Écrire pour exister, c'est simple, j'ai pas le sourire sans un sample. On se comprend tous ensemble, vas-y fais péter le vinyle avant que trop de fumée ginale. FLM Nerval Muse, une chronique originale. Si tu demandes comment c'est, mais ça recommande. Les doigts sur MPC, les dégâts d'une MP7. Ok c'est vrai j'incite parce que dans le Nord faut que ça saute. Putain j'ai le mal de mer, nique les faux pirates qui proposent du rap de merde. Non c'est pas du rap, ce que vous faites c'est pas du rap. Écoute le gros porte plein, joue pas trop les fous. Dans 2 heures tu portes plainte pour l'amour du vrai hip-hop. Chaque jour on pierre des passes, j'irai même vider mes tripes. Jamais sans cette rage intégrée quand je t'égrade. Débite ma Yves en intégrale. Au passage j'y mets du nerf vers la pute aux eaux du Nord. La faute à l'état si papa est endetté. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barre, je rôde dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barre, je rôde dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne. J'avance, je fais un bac plus en bac plus. Quête qu'à capuche, dès qu'on scale, y'a grabuche, fils. Parfois je me demande, putain, peut-être qu'on abuse. Et quand la flemme m'allume, je me répète qu'on a qu'une vie. Donc faut que je me bouge si je veux des croches, j'en t'allume. Stopper la disque, car trop de gens disent, canaille, qu'est-ce que t'es moche quand t'as bu. Avance les dunes, je ramène l'équipe, t'inquiète, le micro fume. Mais on fera de speed comme un leur dit, avec les flics au cul. J'ai le seum d'une fille au cul. Quand la vie me stresse dans ma tête, c'est le bazar. Faut lutter comme un gaza. Ou se prendre le mur à grande vitesse. Alors, faut que j'écrive deux fois plus sans être ambidex. Retirer l'envie naître à ses chaud qui nous donne l'envie de gérer. Lancé de voir nos têtes derrière un fichier ou fiché chez la flic. Aïe, mettre ça devient chum, mais chute. Faut pas que nos darons le sachent en parlant de ça. Dis à ma mif que je l'aime, nos rêves se meurent car on a buté le marchand de sable. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barre, je rôde dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barre, je rôde dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne. Je me lève et tous les jours j'espère le rêve un espoir. N'est-ce pas, est-ce si beau finir vendeur, j'espère. Rien qu'on se perd, qu'on se pire, qu'on avance pas quand on se parle. Quand je pense à Rafa Farhan, je me dis qu'on peut tout niquer, faire des faves comme Ken Zafara. Et gros, je me détériore, je suis pas sociable, je suis pas terrien. Je veux pas du luxe, mais sans matériaux, t'es rien. T'as pas compris que je me lève la tête ailleurs. C'est plus de la drogue, mais des rimes, gros, que je voudrais détailler. Qui paraît, les peines embarrassent. Posé dans le canapé, rangé par la paresse. Ne crois pas que les peines et plaies disparaissent. Le temps passe, la beuh PlayStation. Entre ton lit, la branlette et puis la PlayStation. Chaque jour les rêves s'échappent. C'est toute la vie, gros, qu'on voudrait rester jeune. C'est chaud, poteau, j'écris un tas de choses. Un pic être en état de choc, trop bizarre pour un tas de gens. Muchacho, c'est plus les meufs, mais c'est l'instru que j'ai cherché. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barre, je rôde dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne. Mais je me demande où est-ce qu'on va quand les petits se prennent pour Tony ou Pablo Escobar. Des questions de barge, rôle dans ma tête, ça cogne. Avant que tout s'arrête, faut que ça pète, ça cogne.